Je maîtrise la chimie ainsi que l'alchimie, je suis dans le sashimi. Suffit que je pense à ta mine, j'essayais vers moi, ta mine, j'achemine. Je tacle à la gorge, pas à la cheville. Je retourne ni ma veste ni ma chemise. Je peux pas lâcher tant que je suis pas chérie. Je cours après le temps, je marche vite. Je vais m'envoler, là je vibre bas. Je n'en veux à personne, c'est moi qui me retarde. Soit je fais le million et je me tire de là. Soit c'est la CIA qui me criblera. J'écris ce rap comme un cri de rage. Ça sent la guerre dès la prise de voix. Passons même quand je veux donner de l'amour à des prises de spasme. Primitif, je suis encore trop primitif. Primitif. Primitif, je suis encore trop primitif. Primitif. Primitif. L'actualitat compartint el nostre espai ara serà el moment d'altres cançons. Una de 2017, des del Mouy de Camille, la cançó anomenada Lasso, però després recordarem a dos grans clàssics. El primer d'ells serà Salvatore Adamo, amb una cançó al costat de Julien Doré, que era aquell clàssic Les meves mans, els teus malucs, mis manos en tu cintura, i després també Michel Sardou amb Una malaltia d'amor. Tots aquests temes ens venen a condició a Hola la Música abans de la primera visita, la del nostre company amic Àngel Rodríguez. Lasso, si lasso, si salto, lanço lasso, lasso, lasso, il solo si è lasso, oh, è il sol, il sol, s o s i c o si è lasso, i se lance lasso, si è sa lo lasso, le sol, i laisse lance le o si è lasso, si lasso, si le salso, lance lasso, lasso, lasso, il solo si è lasso, so, è le sol, i lasso, si è sa lo lasso, le sol, i laisse lance le o si è lasso, si è lasso, si è lasso, si è lasso, si è lasso, si è lasso, si è lasso, si è lasso, si è lasso, si è lasso, si è lasso, si è lasso, si è lasso, si è lasso, si è lasso, si è lasso, si è lasso, si è lasso, si è lasso, si è lasso, si è lasso, si è lasso, si è lasso, si è lasso, si è lasso, si è lasso, si è lasso, si è lasso, si è lasso, si è lasso, si è lasso, lance l'SOS, s'il est lasso, si lance Oli, est lasso, solo si è lasso, è le sol, il sol, lasso, lance l'SOS, lasso, lasso, lasso, lasso, lasso, lasso, lasso, lasso, lasso, lasso, lasso, lasso, lasso, lasso, escoltes música en francès amb Rafael Corbí. Sois pas fâché si je te chante les souvenirs de mes 15 ans. Ne boude pas si tu es absente de mes rêveries d'adolescent. Ces amourettes insignifiantes ont préparé un grand amour, et c'est pourquoi je te les chante et les présente tour à tour. Oui, c'est pourquoi je te les chante et les présente tour à tour. Mais laisse mes mains sur tes hanches, ne fais pas ces yeux furibonds. Tu l'auras ta revanche.

Doncs fins aquí hem arribat amb aquests records, els tres, Salvatore Adamo, amb la seva cançó al costat d'en Julien Doguer i també aquesta cançó de Michel Sardou. Ara, el nostre protagonista, amic inseparable, és l'Àngel Rodríguez, que ens conduirà la seva petició musical, o recomanació musical, millor dit, d'aquesta setmana. Benvingut, Àngel. Avui, Rafael, et sorprendré. Un ocellet m'ha dit que t'has començat a fer fan de la cantant contemporània, que és tot una revelació ara a França, que es diu Luana, no? Oi que sí? Doncs avui te la torno a recomanar. A mi també m'encanta. Fa uns dos mesos us la vaig oferir amb una peça titulada On était beau, i avui ens canta el seu èxit de l'any 2015, No secret, que algunes emissores l'estiu del 2017 doncs varen tenir a bé tornar-la a recordar. Doncs avui, per primer cop, la tindrem aquí en el teu Hola la Music. No secret. Recordem que Luana va néixer a Pas-de-Calais l'any 1996. No secret, Luana. This ain't loving, this ain't loving. Un si joli bouquet, nos atomes accrochés. Malgré tout voyager, tes retours, des allées, descendre, remonter, à l'espoir adossé. Nos atomes accrochés. Malgré tout essoufflé, au centre où dispersé, ce si joli bouquet te peut être affané. This ain't loving, this ain't loving. Un si joli bouquet, nos atomes accrochés. Nos atomes accrochés. Si simplement j'avais le courage de le dire, si simplement j'avais ce courage à t'offrir. This ain't loving, this ain't loving. Un si joli bouquet, nos atomes accrochés. This ain't loving, this ain't loving. Un si joli bouquet, nos atomes accrochés. This ain't loving, this ain't loving. Un si joli bouquet, nos atomes accrochés. Nos atomes accrochés. Nos atomes accrochés. Hola, la Music, el vostre programa de música en francès en la col·laboració que ens portava l'amic Àngel Rodríguez, la cançó de la Luang. Excel·lent. Escoltem ara la música d'un cantant nascut el 1940, el mes d'octubre, i que portava el nom de Jacques Higelin. Denis és de l'antologia de la música de la cançó francesa de l'any 1978. Je savais ce que t'as, je ferais sûrement tout ce que je peux pour te tirer d'en là, alors dis-moi ce que tu veux. Avec ce taille, y'en a qui seraient heureux comme les rois. Si pour toi c'est trop peu, c'est déjà beaucoup pour moi. Tu as tout ce que tu veux, mais comme tu veux ce que t'as pas, tu sais même pas ce que t'as, et c'est pour ça que tu m'en veux. Ça que tu m'en veux, ça que tu m'en veux, tu m'en veux, tu m'en veux. Denis, je sens que je vais piquer ma presse. Denis, je sens que je vais piquer ma presse. Je crois que tu vas beaucoup trop loin. Je fais vraiment tout ce que je peux pour oublier que je peux pas te donner ce que t'as pas quand je sais pas ce que tu veux. Je veux bien tout ce que tu veux, mais comme tu veux ce que j'ai pas, je comprends même pas ce que t'as et c'est pour ça que je t'en veux. J'ai fait tout ce que t'as pas, mais comme t'as pas tout ce que je veux, arrête ton cinéma pour toi et moi ça vaut mieux. Denis, je sens que je vais piquer ma crise. Denis, je sens que je vais piquer ma crise. Denis, je sens que je vais piquer ma crise. Denis, il faut que je te dise, je crois que tu vas beaucoup trop loin. Si je savais ce que t'as, je ferais sûrement tout ce que je peux pour te tirer de là, alors dis-moi ce que tu veux. Si je savais ce que t'as, je ferais sûrement tout ce que je peux pour te tirer de là, alors dis-moi ce que tu veux. Si je savais ce que t'as, je ferais sûrement tout ce que je peux pour te tirer de là, alors dis-moi ce que tu veux. Si je savais ce que t'as, je ferais sûrement tout ce que je peux pour te tirer de là, alors dis-moi ce que tu veux. Si je savais ce que t'as, je ferais sûrement tout ce que je peux. Deixem la música de temps enrere i retornem a la música més moderna, les llistes d'èxits en música francesa. El rap és una de les músiques o dels estils més triomfadors. De fet, és el que més discos ven a França. Prova d'això és aquest àlbum que avui també recordarem amb una sola cançó, que és l'èxit, un dels èxits de 2018 a les llistes franceses. Estem parlant de l'àlbum de l'artista anomenat Orel Sant, que ens porta una de les seves cançons. Orel Sant, En tout va bien, ens porta les seves cançons. Aquest és el senzill d'aquest àlbum, d'aquest artista, que recordem que el seu nom, l'àlbum La Fête est finie, la que ja vam repassar amb el seu moment, d'Aurélien Cotentin, nascut el 1 d'agost del 1982 a Lençon, i que és un rapper francès. El seu èxit és el Tout va bien. Escoltem aquesta cançó a través de la sintonia de Hola La Music. Da, da. Si le monsieur dort dehors, c'est qu'il aime le bruit des voitures. S'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les statues. Et si un jour il a disparu, c'est qu'il est devenu millionnaire. C'est qu'il est sûrement sur une île avec un palmier dans sa bière. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, petit, tout va bien.

ben aviat la música de Junts acompanyarà també amb unes quantes cançons amb el nostre programa, però de moment us hem fet un avançament d'aquest, un dels àlbums més importants de començaments de 2018, un àlbum que va arribar al número 1 a les llistes d'àlbums del top 150 de la música francesa i també ben qualificat a les llistes suïsses. Bé, és el moment d'un altre disc destacat, en aquest cas d'un personatge que es va donar a conèixer quan va ser elegit el 2014 per interpretar el rei Bretó, la llegenda del rei Artur, entre el 2015 i el 2016, al costat de Camille Lou, de Charles Bosso, de Fabien Cardona, de David Alexis o de Thao. Entre ells. A part d'això, va ser part de la trupa que va portar-nos Mozart, l'òpera rock que del 2008 al 2014 ens va acompanyar. Personatge que és un bon intèrpret, nascut el 13 de maig de 1981, Florent Motte, que ens acompanyarà amb alguna de les cançons del seu àlbum que es diu Ballant sota la pluja, que es va editar l'any 2016. Dos senzills que n'han sortit, o que van sortir d'aquest àlbum al llarg del 2016, ens acompanyaran amb aquests minuts. Aquesta, Je tens encore, i després Cuide Neuf, amb Florent. Pris mon enfance, on m'a pris l'innocence pour faire de moi un soldat de plomb. On m'a rempli la tête, on m'a dit fais la fête pour m'empêcher de tourner en rond. J'ai peur de toucher le fond. Oh oh oh oh oh oh. Se réveille et se met à danser. Ah. chevauche les étoiles. Quoi de neuf, je danse hiver comme été au rythme de mon cœur quand les battements s'emballent. Je me laisse entraîner pour mieux m'envoler, pouvoir toucher le soleil sans même me brûler. Je veux juste planer avant de faner. Je veux que tout le monde se réveille et se mette à danser. Décoller comme une fusée. Quoi de neuf, j'ai déjà tout misé. Mes démons se réveillent et se mettent à danser. Oh, oh, oh, en musique tout paraît plus beau. Un cop més arribem a la meitat del programa i tenim ja disposat a oferir-nos tota la seva brillantor musical el nostre col·laborador i bon amic Ciril Torres, que avui ens portarà un altre d'aquests temes màgics que ens ofereix. Benvingut, Ciril. Gràcies, Rafael. Hola a tothom i doncs un plaer estar una setmana més aquí compartint música i compartint doncs aquestes petites variacions o en tot cas sortir dels camins més habituals musicals. Ens en anem al final dels 90 per recuperar la música rai, que és aquesta música urbana i de joventut que en el Magreb, en el nord d'Àfrica, a final dels 80, sobretot, va començar doncs, a agafar una dimensió aleshores desconeguda. Música dels joves, música transgressora, que parlava d'alcohol, de sexe, de tot el que aparentment no es podia parlar amb els països àrabs. El resultat, entre d'altres, va ser una tràgica guerra a Argèlia que va doncs, atacar moltíssim els cantants de rai, perquè eren els transmissors justament de lo que la gent de profundes creences religioses considerava que era diabòlic. El resultat va ser doncs, diversos cantants morts, per donar exemple, i moltíssims doncs, exiliats principalment a França, que és el seu doncs, la seva sortida habitual per temes d'idioma. Un d'ells és el príncep, el que es va considerar el príncep del rai, Chet Mami, una veu fantàstica i una mica doncs, segurament a l'ombra de Cheb Khaled o de Cheb Hasni en el seu moment, fins que va morir assassinat l'any 94. Chet Mami va fer, més a més, que és el que sentirem, un disc en el seu moment, Peatge, també probablement per poder arribar a les emissores europees, un disc de duos, amb tota una sèrie de grans noms, com poden ser Sting o moltíssimes altres formacions Lunes Matub, Enrico Macias i altres noms. En aquest cas anem a recuperar un duo, ell canta en àrab, però amb un dels grans en el seu moment del hip-hop a França, un hip-hop a més molt agressiu i molt reivindicatiu sobre les llibertats de les minories o sobre les discriminacions o tots aquests temes doncs, que la música també pot expandir. El resultat és Chet Mami amb Camel i un tema, un clàssic, que és Parisien du Nord. Et revoilà le trio pour le remix Habla Chichi. Imhotep, Mami, Camel. Et on y va. Comme ça, vous m'avez trahi. Comme ça. Oh, hack it down. Mais tu es bien, hack it down. Comme ça, vous m'avez trahi. Comme ça. Oh, hack it down. Elle a tout heavy young, hack it down. Allez, on gère cartonique. Au goût tout étranger, au hang. Et yam. On t'hasse des blédiques. Oh, on est yen, moutou yang. Allez, on gère cartonique. Au goût tout étranger, au hang. Et yam. On t'hasse des blédiques. Oh, on est yen, moutou yang. Comme ça, vous m'avez trahi. Comme ça. Ou hack it down. Elle a tout heavy young, hack it down. Comme ça, vous m'avez trahi, comme ça. Oh, hack it down. Elle a tout heavy young, hack it down. Mais chauffez-vous comme les ternies. Elle est où elle est, habib ou hang. Pourtant, c'est des noirs. Ou est des chiens, rabou yang. Mais chauffez-vous comme les ternies. Elle est où elle est, habib ou hang. Pourtant, c'est des noirs. Ou est des chiens, rabou yang. Comme ça. Vous m'avez trahi comme ça. Oh, hack it down. Elle a tout heavy young, hack it down. Comme ça. Vous m'avez trahi comme ça. Hack it down. Elle a tout heavy young, hack it down. Parisien du Nord, clando d'abord. Actif dans la musique sans passeport. C'est le talent d'abord. C'est comme le padre qui a taffé ramé pendant des années. Les exploitants que je me ferai un véritable plaisir de canner. J'suis pas violent mais tant d'années à 5000 francs par mois c'est fané. Et pour les jeunes c'est la tannée. N'en fallait pas faire l'erreur l'assimiler. Face à ces professions ce ne sont des bassesses. De vocation la leçon à en tirer c'est quoi que tu dises. Quoi que tu fasses t'es embauché tant qu'on n'a pas vu ta face. J'veux voir des jeunes PDG dans leur bureau. Gérant leurs entreprises comme on gère des kilos hein. C'est pas dur j'veux voir des subwoofers au mur. Je veux voir des sœurs comme chef ou secrétaire. Quitte à pour leurs compétences et non pour leur derrière. Je veux enfin que les jeunes pèsent à vrai dire. Allez, où j'ai cartonique. Goût tout étranger. Oh, hang, hey, yam. On t'hasse des blédiques. Oh, hé, yam, mon tout yam. Allez, où j'ai cartonique. Oh, goût tout étranger. Oh, hang, hey, yam. On t'hasse des blédiques. Oh, hé, yam, mon tout yam. Oh, hé, que d'or. Mais tu es bien. Esteu escoltant Ulala Music. Je suivi ma route. Anem compartint ja la recta final de Ulala Music. Estàvem amb la companyia d'en Cyril amb aquesta cançó i com que en Florent ens ha acompanyat en les dues darreres hem decidit donar peu també i donar oportunitat amb el nom de la cançó que dona títol amb aquest àlbum de 2016, aquest de Ballant sota la pluja, abans de finalitzar el nostre programa. Dis-moi quand tu rentres que je me réveille. Si c'était à refaire, j'irais danser sous la pluie. Mais faut pas d'hier m'ont amené aujourd'hui. À toi, à toi. Et me voilà aujourd'hui. À toi, à toi, à toi. Perdu dans la foule, j'attendais que passent les saisons. Puis d'un coup de foudre, tu m'as ramené à la maison. Tu es le mystère, viens-tu de là-haut? Un ange qui me met à terre et met ma mélancolie chaos. Dis-moi quand tu rentres que je me réveille. Si c'était à refaire, j'irais danser sous la pluie. Mais faut pas. Amené aujourd'hui à toi. toi. Et me voilà aujourd'hui à toi, à toi. Et nous voilà aujourd'hui. Dis-moi quand tu rentres que je me réveille. Si c'était à refaire, j'irais danser sous la pluie. Mais faut pas d'hier m'ont amené aujourd'hui. Si c'était à refaire, j'irais danser sous la pluie. Oh, oh, oh, puisque la pluie m'a conduit à toi, à toi. Doncs sí, acabem el programa d'aquesta setmana de Olala Music i ho fem amb la companyia que ens portarà ara mateix també un excel·lent personatge. Ell va néixer el 18 de desembre de 1948 a París i sota el nom de Lucien ens arribava aquest artista. Després es va conèixer amb el nom de Laurent Voulzy, cantautor francès que ens porta cançons com per exemple aquesta que recordem, una gran cançó per posar el punt final amb el nostre programa. Ens retrobem ben aviat, tornem a ser aquí amb Olala, amb moltes més cançons, això sí, en francès. A reveure. Pas de soleil sur ma peau.